بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue l'explication des fondements de la foi de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab رحمه الله تعالى. L'auteur qui nous dit وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور كتاب وكتابه نور عرضه ما بين السماء والأرض. Selon Abbas radiallahu anhuma qui dit, certes Allah a créé une tablette préservée à partir de perles blanches. Ses deux côtés sont ornés de yakout, de rubis rouges. Sa plume est une lumière, son livre est une lumière, et il est aussi large, ou du moins elle est aussi large, donc cette tablette, elle est aussi large que ce qu'il y a entre les cieux et la terre. يَنْظُرُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ ثَلَاثِ مِئَةَ وَسِتِّينَ نَظْرَ. Il, c'est-à-dire Allah, il y regarde tous les jours 360 fois. فَفِي كُلِّ نَظْرَةٍ مِنْهَا يَخْلُقُ وَيَرْزُقُ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَيُعِزُّ وَيُذِلُّ وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Et à chaque fois qu'il y regarde, alors il crée et il accorde la subsistance. Il donne la vie, il donne la mort. Il élève, il rabaisse. Il fait ce qu'il veut. فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى. Et ceci est la parole d'Allah, le Très-Haut. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. Chaque jour, il est dans une situation. رواه عبد الرزاق وابن المنذر rapporté donc par عبد الرزاق ainsi que ابن المنذر ainsi que الطبراني الحاكم. هذا الحديث فيه التقدير اليومي كما في الآية. Et donc ce hadith concerne le destin, la prédestination journalière comme dans le verset كل يوم هو في شأن. Chaque jour il est dans une situation. Chaque jour, chaque jour, il fait quelque chose de particulier. Chaque jour, il est dans une situation. Fal kalam al mansub ila ibn Abbas radhiyallahu anhuma huna muta'alliq bi amrin ghaibi. Et donc la parole qui est attribuée ici à Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, c'est une parole qui concerne un sujet lié à l'invisible. فَهُوَ مَرْفُوعٌ حُكْمًا. Et donc cette parole va avoir le même jugement que la parole qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. لَكِنَّهُ ضَعِيف. Cependant ce hadith est ضَعِيف. Il est faible. فِيهِ أَبُو حَمْزَة وَهُوَ ضَعِيف. Il y a dans la chaîne de transmission de ce hadith, il y a Abu Hamza et cet homme il est faible. فَالْحَدِيث ضَعِيف لَكِنَ التَّقْدِيرَ الْيَوْمِي ثابت. Et donc le hadith il est faible, cependant la prédestination journalière elle est avérée, comme dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, كل يوم هو في شأن. Chaque jour il est dans une situation. ثم نقل المؤلف رحمه الله كلاما نفيسا من القيم. Ensuite l'auteur il cite une parole très importante d'Ibn al-Qayyim rahimahullah rahmatullahi alayhima. Il dit l'auteur, قال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها قال فهذا تقدير يومي والذي قبله تقدير حولي والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit après avoir cité les ahadiths, après avoir cité ces ahadiths et ceux qui vont dans le même sens, il dit Ceci est la prédestination journalière. Et celle-ci est précédée par la prédestination annuelle. Et celle-ci est précédée par la prédestination de la vie. Au moment où justement l'âme va être insufflée. Et celle-ci va être précédée par donc une prédestination au début de sa création. Et donc, au début de sa création et au moment où il est une mudra. Au moment où il est une mudra, c'est-à-dire une chair. Walladhi qablahu. Et il y a avant cela, donc, une prédestination avant même qu'il existe. Avant même qu'il existe. Donc, avant que l'être humain n'existe. Cependant, après la création des cieux et de la terre. Et la prédestination qui est avant celle-ci, avant cette dernière qu'on vient de citer, est une prédestination qui précède la création des cieux et de la terre, donc qui a été faite avant la création des cieux et de la terre. Donc, elle a été faite 5000 ans, Khamsina Elfesana, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Il continue Ibn al-Qayyim rahimahullah. وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق. Et chacune de ces prédestinations est en réalité une explication, un détail de la prédestination qui la précède. وفي ذلك دليل على كمال علم ربي. Et il y a en cela une preuve qui montre la science parfaite du Seigneur. Wa qudratihi wa hikmatihi, ainsi que sa puissance et sa sagesse. Wa ziyada ta'rifihi al-mala'ika wa ibadahu al-mu'minin bi nafsihi wa asma'ihi. Et le fait donc qu'il fait connaître les anges ainsi que ses serviteurs croyants, il les fait connaître donc ses noms et ainsi qu'il se fait connaître donc auprès donc des anges et de ses serviteurs croyants. Et donc il se fait connaître auprès de ses serviteurs croyants et des anges, et il leur fait connaître aussi ses noms. فهذا الكلام مهم من ابن القيم رحمه الله. Donc cette parole d'Ibn al-Qayyim elle est importante. فيه بيان أن كل تقدير من التقادير التي درسناها في الدروس السابقة تفصيل للتقدير السابق. Il y a dans cette parole d'Ibn al-Qayyim l'éclaircissement quant au fait que toutes les prédestinations que nous avons étudiées lors des cours précédents, en réalité, toutes ces prédestinations sont des détails de la prédestination qui les précède. Et que Allah tabaraka wa ta'ala, il fait que ses serviteurs, ils le connaissent et qu'ils connaissent ses noms. وفي هذا رد على مجموعة من النصارى الذين كذبوا على الإسلام والمسلمين. Il y a en cela une réplique à un groupe des chrétiens qui ont menti sur l'islam et sur les musulmans. فزعموا أن المسلمين لا يعرفون ربهم. Ils ont prétendu que les musulmans ne connaissent pas leur Seigneur. يقولون إن المسلمين يعبدون ربا لا يعرفونه وهذا كذب. Et donc ils disent que les musulmans, ils adorent un seigneur qu'ils ne connaissent pas. Et ceci est un mensonge, que une personne qui a ouvert le Coran ne serait-ce qu'une fois ne pourrait prononcer ce mensonge. فَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ نَفْسَهُ فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ وَكَذَلِكَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Allah tabaraka wa ta'ala, il s'est décrit dans beaucoup de versets. Et aussi par la langue de son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Fal mu'minun yu'minuna bi asma'illahi wa sifatihi. Et donc les croyants, ils croient au nom d'Allah ainsi qu'à ses attributs. وفي هذا الصنيع من المؤلف رحمه الله. وأقصد بذلك نقل كلام ابن القيم بيان أن المؤلف محمدا ابن عبد الوهاب رحمه الله سائر على طريقة العلماء والأئمة وأنه لم يأتي بدين جديد. Et donc il y a dans la méthodologie qu'a employée l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah lorsqu'il nous cite, lorsqu'il fait la citation de la parole d'Ibn al-Qayyim, il y a en cela ce qui montre que cet imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il suit la méthodologie des savants et des imams qui l'ont précédé et qu'il n'est pas venu avec une nouvelle religion. Fekalamuhu huna, fekalamuhu هو كلام من سبقه من أئمة أهل السنة والجماعة. Et donc sa parole est en réalité est la parole de ceux qui l'ont précédé parmi les imams des gens de la sunna et du groupe. فلا يجوز أن ننسب إليه فرقة معينة كما يفعله بعض الجهال بقولهم بوجود فرقة اسمها الوهابية وهذا كذب. Et donc il n'est pas permis de lui attribuer un groupe spécifique comme le font certains ignorants lorsqu'ils vont dire qu'il existe un groupe qui s'appelle Al-Wahhabiyya et ceci est un mensonge. ثم وصل الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في نقل كلام ابن القيم فقال ثم قال فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك قال ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. Ensuite l'auteur rahimahullah Mohammed ibn Abd al-Wahhab il continue à citer la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Et il nous dit, puis il dit, c'est-à-dire Ibn al-Qayyim, certes, les hadiths sont tous unanimes, les hadiths sont tous en accord. Et donc, certes, ces hadiths sont tous en accord sur le fait que la prédestination n'empêche pas le fait d'œuvrer. Et elle ne va pas impliquer le fait de se baser sur cette prédestination en délaissant les œuvres. Mais au contraire, cette prédestination, elle implique le fait de faire sérieusement les choses et de faire des efforts. Et c'est pour cela que certains compagnons, lorsqu'ils ont entendu cela, lorsqu'ils ont entendu les hadiths liés au destin, ils ont dit « Ma kuntu bi ashadda ijtihadan min al-an » Ils ont dit « Je ne faisais pas plus d'efforts avant que maintenant » C'est-à-dire que ça les a poussés à faire des efforts. Wa qala Abu Uthman An-Nahdi La ana bi awwal hadha al-amr ashadd farahan minni bi akhirih. Et donc Abu Uthman An-Nahdi il dit certes j'étais bien plus heureux. Donc au début de ceci qu'à sa fin, bien plus heureux au début de ceci qu'à sa fin. Ou du moins, j'étais bien plus heureux concernant le début de ce sujet qu'à sa fin. Bien plus heureux concernant le début de ce sujet qu'à sa fin. Ça veut dire quoi? Il nous dit, وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ سَبَقَ لَهُ مِنَ اللَّهِ سَبِقَ وَهَيَّأَهُ وَيَسَّرَهُ لِلْوُصُولِ إِلَيْهَا كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي تأتي بها. Et cela, car si donc un élément a été prédestiné, si Allah a prédestiné quelque chose pour le serviteur, et qu'ensuite il l'a facilité pour parvenir à cet élément qu'il a prédestiné pour lui. Alors, sa joie, la joie du serviteur, pour le fait que Allah lui a prédestiné cette chose, hein, elle sera plus forte que la joie qu'il ressent pour les causes qu'il a accomplies lui-même pour avoir cette chose. Et donc, en fait, il est heureux que Allah lui ait prédestiné cela. Wa ayyuha al-ikhwa, fi hadha al-kalam, anna al-insana la yajuzu lahu an yahtajja bil qadari ala ma waqa'a fihi min adh-dhunub wa qad bayyana dhalika fi ad-durus as-sabiqa. Et donc, il y a dans cette parole, en réalité, ce qui montre que l'être humain ne lui est pas permis de se baser sur le destin, la prédestination, pour donc justifier les péchés dans lesquels il est tombé, comme nous l'avons montré dans les cours précédents. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث التاسع والأربعين. Ensuite, l'auteur, il nous cite le hadith numéro 49. Il dit: وعن الوليد ابن عبادة قال. Et donc, selon الوليد ابن عبادة, qui dit: دخلت على أبي وهو مريض. Je suis allé voir mon père alors qu'il était malade. أتخايل فيه الموت. Je pensais donc qu'il allait mourir. فقلت يا أبتاه أوصني. J'ai alors dit: oh mon père, fais-moi une recommandation, une exhortation. واجتهد لي, et efforce-toi pour moi. فقال أجلسوني. Et donc le père, il lui a dit, donc Ubada, il lui a dit: mettez-moi assis. فلما أجلسوه قال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. Et donc il dit, Ubada, à son fils, il dit: oh mon fils, certes tu ne goûteras pas le délice de la foi, tu ne goûteras pas à tu n'auras pas le goût de la foi et tu n'atteindras pas la réalité de la science d'Allah, la science en Allah tabaraka wa ta'ala, tant que tu n'auras pas cru au destin, le bon et le mauvais. Fakultu ya abata wa kayfa li an a'lama ma khayru al-qadari wa sharruhu. Alors j'ai dit: oh mon père, et comment puis-je savoir quel est le bon du destin et son mauvais? قال تعلم أنما أخطأك لم يكن ليصيبك. Et donc que tu saches que ce qui ne t'a pas atteint ne pouvait pas t'atteindre. وما أصابك لم يكن ليخطئك. Et ce qui t'a atteint ne pouvait pas ne pas t'atteindre. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال اكتب فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. Et donc il continue: oh mon fils, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: dès qu'Allah a créé la plume, il lui a dit: écris. Et à cet instant fut donc décidé, ou à cet instant fut cité, donc fut écrit tout ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection. Ya bunay in mitta wa lasta ala dhalika dakhalta an-nar. Oh mon fils, si tu meurs sans être sur cela, sans être sur cette croyance, tu iras dans le feu. Subhanallah. Fi hadha al-hadith ahammiyatul wasiyyah lil aqarib. Il y a dans ce hadith l'importance des recommandations, c'est-à-dire ce qui est voulu par là, ce sont les recommandations du testament, donc les dernières paroles, les dernières recommandations du mort pour les proches. Il y a dans ce hadith l'importance de cela. وَقَدْ طَلَبَ عُبَادَ ابْنُ الصَّامِتِ أَنْ يُجْلِسُ لِأَهَمِّيَةِ هَذِهِ الْوَصَيَّةِ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ. Et donc, عُبَادَ ابْنُ الصَّامِتِ, il a demandé à ce qu'on le mette assis, car ces recommandations sont très importantes. وَهِيَ سُنَّةُ الْأَنْبِيَاءِ. Et ceci est la sunna des prophètes. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit: وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. Et certes, c'est par celle-ci que Ibrahim et Yaqub ont fait les recommandations à leurs enfants. يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ. Oh mes enfants, certes Allah a choisi pour vous la religion. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Alors ne mourrez que en pleine soumission. Ta'ammalu ha'ula'i s-salihun fi akhir hayatihim. Yusuna awladahum bil istislam lillah wal i'tiqad as-sahih khilafan lima 'alayhi an-nas al-yawm min al-wasiyati bil mal illa man rahimahullah. Méditez. Ces pieux-là, ces gens-là, à la fin de leur vie, ils recommandent à leurs enfants de se soumettre à Allah et d'avoir la croyance correcte, contrairement à ce que font les gens aujourd'hui dans leurs recommandations pour l'argent, l'argent, l'argent, sauf ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala a fait miséricorde. Wa ta'ammalu fa inna hadhihi al-wasiyyata al-'azima min 'ubada ibn as-samit لابنه دليل على أهمية تربية الأولاد لأن الرجل إن كان يوصي أولاده بالعقيدة الصحيحة وهو على فراش الموت فكونه صحيحا أدعى لدعوة الأولاد وتربيتهم على الدين الصحيح. Et méditez quant à cette donc recommandation grandiose venant de Ubada pour son fils. Il y a en cela une preuve montrant l'importance de l'éducation des enfants. Car l'individu, lorsqu'il fait une recommandation à ses enfants concernant la croyance correcte, alors qu'il est sur le lit de mort, il est sur le lit de mort lorsqu'il fait cette recommandation. Alors, cela nous montre que lorsqu'il était en bonne santé, donc le fait d'être en bonne santé appelle encore plus à accorder de l'importance à l'éducation des enfants. فبين عبادة لابنه خطر الاتكال أو خطر إنكار الإيمان بالقدر وأنه كفر بالله. Et donc Ubada il a montré à son fils le danger quant au fait donc de rejeter la foi au destin. Il a montré que ceci est de la mécréance envers Allah tabaraka wa ta'ala. Wa bayyana dhalika li ibnihi li dhuhuri firqatun aw li dhuhuri firqatin firqatil qadariyya fi akhir zaman as-sahaba. Il a montré ça à son fils car à la fin de l'époque des compagnons est apparu le groupe de al-qadariyya. Le groupe de al-qadariyya wa hadha yadulluna على أن المرء ينبغي أن يحذر أن يحذر الناس من الضلالات. Et cela nous montre que l'individu, il est convenable qu'il mette les gens en garde contre les égarements. الضلالات الموجودة حوله. Il doit mettre les gens en garde contre les égarements qui sont présents autour de lui. ولا يسكت على الفرق. Et l'individu ne doit pas se taire face au groupe égaré. On arrête là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.